Merci Manu Farine, à la semaine prochaine. Et voilà, on a beau répéter à ce micro jour après jour que le temps est relatif pour Einstein, que c'est une variable quasi inutile, voire qu'il n'existe pas en physique quantique, il n'empêche qu'à notre échelle macroscopique, il passe et il nous amène doucement mais sûrement vers aujourd'hui et vers ce 500e numéro de la méthode scientifique. Pour l'occasion, c'est un All-Star Games que nous vous proposons. Les voix qui vous sont les plus familières sont autour de cette table et du micro, fin prêtes à répondre aux questions que vous leur avez posées ces dernières semaines. Ce qu'ils et elles ne savent pas encore, c'est que la route de cette 500e va être semée d'embûches. J'ai plus de souvenirs que si j'avais 500 épisodes. C'est le programme un peu baroque pour l'heure qui vient. Bienvenue dans ce numéro anniversaire. Et pour cette émission spéciale, ils sont donc là autour de la table. Ils sont un peu fébriles puisque suite à notre appel il y a 15 jours, vous nous avez envoyé près de 200 questions, toutes plus étranges, sérieuses, complexes, farfelues et passionnantes les unes que les autres. Il a fallu faire le tri pour en retenir 8. 8 questions pièges pour 8 invités, ces voix que vous connaissez maintenant, qui interviennent régulièrement dans nos émissions du vendredi. Cécile Lestienne, rédactrice en chef de Pour la Science. Bonjour Cécile. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Caroline Tourbe, chef du service santé de Science et Vie. Bonjour. Bonjour Tania Louis de Biologie Tout Compris, la chaîne YouTube. Bonjour. Bonjour Élodie Chabron, directrice du festival Pint of Science. Bonjour. Bonjour Olivier Lascar, chef du pôle numérique de notre partenaire chéri Science et Avenir. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Bonjour Sylvain Guilbeault du magazine La Recherche. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Patrick Beau de la chaîne YouTube Axolot. Bonjour à tous. Et bonjour Sébastien Carassou de la chaîne YouTube The Sense of Wonder. Bonjour. Mais ce n'est pas tout puisqu'il y a un public déchaîné très calme encore pour le moment. Et il se cache quelques voix que vous connaissez également. Il y a Roland Lehoucq, Roger Mansuy, Catherine Dufour, Pierre Kerner, Guillaume Duret, Mathias Casiolis, Robin Jamet, François Angelier, Natacha Triou, et puis toute l'équipe de la méthode scientifique, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Mathieu Lefrançois, Tom Hümdenstock, Céline Lezen. Bref, tout le monde est là. Zoé Sfez qui se cache en régime et qui va venir nous rejoindre dans la salle. Voilà, le public qui aura pour lourde tâche d'incarner le second principe de la thermodynamique au cours de cette émission, à savoir augmenter l'entropie de l'heure qui passe. Nous y reviendrons. Mais le temps passe, oh oui, le temps passe, les minutes avancent. Est-ce que vous êtes prêts à commencer ? Allez, on va y aller. La méthode scientifique, la 500e, Nicolas Martin. Et Patrick Beau, c'est vous qui allez essuyer les plâtres ? Super. C'est une question. Alors, je tiens à vous dire que les pseudos Twitter sont des vrais pseudos. Je vais en dire, ils sont parfois un peu exotiques. C'est une question de Shiatsu92, Patrick, qui nous attend. Shiatsu92 vous pose cette question, Patrick. De quoi est fait le feu ? Vous avez 5 minutes. Clairement, je ne ferai pas 5 minutes, hein, mais je vais essayer d'expliquer de quoi est fait le feu, en n'étant pas du tout spécialiste du feu. Mais en gros, le feu est une réaction chimique. C'est un phénomène de combustion qui produit de la chaleur et de la lumière. Et... très franchement, je pense pas que je pourrais faire beaucoup plus long que ça, en fait. Hein. Mais la matière du feu, Patrick, c'est quoi la matière du feu, cette flamme? Il y a quoi dans cette flamme? Mais justement, c'est pas de la matière, c'est une réaction chimique, donc il y a pas réellement de matière, c'est de la combustion de matière, mais le feu lui-même, le phénomène feu, la flamme, c'est pas solide. Mais c'est quoi alors si c'est pas solide, c'est quoi la flamme? On a de la combustion, on a du gaz qui, si tu veux vraiment que je m'humilie là, je sais pas trop ce que je peux dire de plus, mais on a une absence de matière. Sauf que bon, quand il y a feu, il y a quand même combustion de matière, donc il peut y avoir des particules dans la flamme. En fait, j'anticipe la suite de la question que je connais, hein, et peut-être qu'on pourrait y aller. On parlait du temps tout à l'heure, oui. Ce temps relatif qui est très long pour absolument, toi. Absolument, absolument. La question, c'est pourquoi le feu n'a-t-il pas d'ombre? Ah voilà une bonne question. Et alors pourquoi le feu n'a-t-il pas l'ombre? Alors déjà, il y a une erreur dans la question, parce que le feu... produit de l'ombre. Dans certaines conditions, alors déjà produit de l'ombre, mais peut avoir une ombre. En fait, il y a une photo qui est devenue virale sur les internets. On voit une personne qui tient une allumette allumée, et la projection de l'ombre sur le mur ne montre que l'allumette sans la flamme. Et donc, forcément, ça pose la question, mais où est l'ombre de la flamme? Alors, il se trouve qu'il y a ombre quand il y a blocage de la lumière par un objet solide. Et dans le cas d'une flamme, on n'a pas d'objet solide. En fait, on a une source de lumière. Et donc, cette source de lumière ne bloque pas la lumière. Ce qui fait que, par définition, comme il n'y a pas blocage, il n'y a pas d'ombre. Mais, cela dit, si la source lumineuse qui éclaire cette allumette est plus puissante que la flamme de l'allumette elle-même, donc si la radiation est plus puissante que celle de la flamme, on peut avoir une projection de cette flamme sur le mur. Donc il peut y avoir une forme d'ombre qui n'est pas une ombre, mais qui est quand même une projection de cette flamme. On peut voir quelque chose qui ondule. Donc tout dépend de la lumière qui va éclairer cette flamme dont on veut observer l'ombre sur le mur. Et bien maintenant, je vais me retourner vers l'assistance, parce que peut-être que l'assistance a son mot à dire sur la question du feu. Est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose ou poser peut-être une autre question à Patrick qui ne s'y attend donc absolument pas? Allez-y, là, je suis chaud. François Angelier, vous aviez l'air de vouloir... On va vous apporter un micro sur le feu. Non, j'ai rien à lui demander, sauf Paradise. Vous savez, la ville qui vient d'être détruite et qui s'appelait Paradise en Californie. Là, ce genre de cité est totalement neutralisée. Qu'est-ce que ça vous inspire comme réflexion, ça? Déjà, qu'une ville détruite par le feu s'appelle Paradise, et en plus, que ce soit devenu une ville fantôme. Moi, je suis assez amateur de villes fantômes, hein, donc... Les États-Unis sont parsemés comme ça de villes et de villages fantômes, notamment des villes qui avaient été construites lors de la conquête de l'Ouest et qui sont restées derrière lorsque les pionniers n'avaient plus d'or à y trouver. Et personnellement, mon graal en matière de villes fantômes, c'est Pripyat, donc en Ukraine, qui est la ville qui se trouve juste à côté de Tchernobyl et qui est sans doute la plus grande ville abandonnée aujourd'hui. Et qui n'a plus aucun rapport avec le feu. Merci beaucoup Patrick. On peut trouver un truc, hein, le feu nucléaire. On va essayer de revenir un peu à la science quand même. Deuxième question, c'est pour Cécile Lestienne. Cécile, vous avez droit à une double question. Une double question qui a été portée... Non, vous avez droit à 5 minutes. Mais c'est deux questions en un, vous allez voir, qui ont été posées par Morgane Petit 22 et Armand Magali. Double question qui sont les suivantes. Est-ce qu'il existe encore de la sélection naturelle chez l'être humain? Et combien de temps faudrait-il pour voir émerger une nouvelle espèce à partir d'Homo sapiens? Vous avez 5 minutes, Cécile. Eh bien, je vais commencer par répondre à la deuxième question. Et pour cela, je vais citer l'inoubliable Fernand Reynaud, que vous êtes beaucoup trop jeunes tous ici pour vous en souvenir. Non, mais non, quand pas même. Du tout. Pas du tout. Et je vais donc dire que pour voir émerger une nouvelle espèce à partir d'Homo sapiens, il faut exactement un certain temps. Non mais blague mise à part, l'évolution c'est le temps long. Voilà, de ce qu'on sait évidemment des mécanismes de l'évolution et de la génétique, il faut plusieurs milliers de générations, plusieurs millénaires pour voir émerger une nouvelle espèce. Pourquoi d'abord? Parce que vous savez que pour qu'une nouvelle espèce émerge, si on s'en tient à la définition de l'espèce, il faut que même si les populations que vous observez se ressemblent, elles ne puissent pas faire d'enfants ensemble, ou que si elles arrivent à faire des enfants, ces enfants-là soient stériles. Comme vous avez l'âne et le cheval, ils peuvent faire des mulets et des bardeaux, mais ils sont stériles. Voilà. Alors que, comme vous le savez, un chihuahua et un berger allemand peuvent faire des enfants... Au prix d'un certain inconfort. Exactement. Mais génétiquement, c'est possible. Voilà. Donc voilà. Et pour qu'une nouvelle espèce émerge à partir d'une espèce, que ce soit la nôtre ou une autre, il faut d'abord qu'une population, pas trop petite, parce que si la population est trop petite, ça va vite dégénérer et risque de s'éteindre, soit isolée suffisamment longtemps, donc des milliers et des milliers de générations, et on voit pas très bien comment aujourd'hui, à l'heure de la mondialisation, ça pourrait se passer. Sur voilà. Une île, dans une forêt amazonienne lointaine? Même là, comme vous le savez, depuis des dizaines de milliers d'années, ça n'est jamais arrivé que des populations restent totalement isolées. Donc non, mais peut-être si on envoie une population suffisamment importante sur Mars ou ailleurs, peut-être ça pourrait arriver. Mais voilà, mais il faudra du temps parce que ça demande, pour qu'une nouvelle espèce émerge et pas juste une mutation génétique de ci, de là, il faut quand même qu'il y ait une grosse réorganisation, probablement une réorganisation des chromosomes et tout ça, et ça prend vraiment du temps, donc voilà. Bon, à part que, effectivement, si certains d'entre nous décident d'utiliser les outils de génie génétique qui sont maintenant à notre disposition, alors là, peut-être que ça pourrait aller plus vite. Mais pour l'instant, on les maîtrise tellement mal qu'on ne peut rien en dire. Voilà. Et donc, mais revenons justement à la sélection naturelle, puisque c'était l'autre question. Alors, ben oui, la sélection naturelle fonctionne toujours chez l'homme. J'ai des arguments. Alors, j'ai des arguments. Développez un peu, Cécile. Vous avez encore quelques minutes, vous pouvez développer. Donc, on le voit. Bon, il y a une actualité dont on a parlé justement à cette émission il y a quelques mois. On avait observé une population indonésienne, les Bajos, je crois qu'on prononce ça comme ça, qui sont un peuple de pêcheurs sous-marins. Ils passent leur vie à plonger pour attraper les poissons. Ils peuvent rester jusqu'à 5 heures sous l'eau, pas d'affilée évidemment, hein, mais dans une seule journée, pour aller pêcher. Et on s'est aperçu que cette capacité-là était probablement très liée au fait qu'ils ont une rate beaucoup plus grosse que la mienne, certainement. Voilà, d'environ 50%, et que cette caractéristique-là n'était pas due à l'entraînement, puisque les enfants, présentent cette même caractéristique dès la naissance. Donc vous voyez, on a vu ça, d'autres études ont montré d'autres choses, une adaptation au manque d'oxygène chez certaines populations qui vivent dans l'Himalaya, chez les aborigènes d'Australie, on a trouvé aussi des gènes qui aident à supporter les très très hautes températures. On voit des choses comme ça, et ça, c'est voilà, probablement relativement récent. On sait aussi qu'on a vu apparaître des choses depuis que nous sommes agriculteurs et surtout depuis que nous sommes éleveurs. Le gène qui nous permet de digérer le lait, qui existe chez les enfants, hein, mais qui avait disparu chez les adultes, s'est fixé dans beaucoup de populations, notamment chez les Européens et pas chez les Asiatiques. Voilà. Les yeux bleus ont dû apparaître il y a à peu près 10 000 ans. Il est très très probable que nos ancêtres avaient la peau noire, les yeux noirs, et les cheveux noirs, parce que tant qu'ils ont vécu en Afrique, c'était quand même bien plus adapté au climat, et qu'en allant s'installer dans de nouveaux climats, la peau a... Je crois qu'il y avait aussi ce qui sous-tendait un peu la question, c'est de dire, est-ce que nous, aujourd'hui, en tant qu'espèce, compte tenu de notre environnement immédiat, on continue à évoluer? Est-ce qu'on parle souvent, on dit on perd les dents de sagesse, on va perdre notre petit doigt de pied, on a la tête qui grossit? Oh, la tête qui grossit, ça, je crois que c'est un fantasme de science-fiction. J'ai l'impression que le cerveau de certains d'entre nous diminue beaucoup en ce moment. Non, mais très probablement, oui. Bien sûr qu'on est toujours encore en train d'évoluer, sauf que ça se voit vraiment sur le temps long, comme je disais tout à l'heure. Il faut des milliers d'années pour s'en apercevoir, normalement. Et puis, une des caractéristiques de l'être humain, quand même, c'est ses capacités cognitives et ses capacités comportementales qui lui permettent d'évoluer aussi grâce à des faits culturels. Typiquement, on va revenir en arrière, mais c'est plus facile pour comprendre. Le fait que nous ayons ces capacités-là nous a probablement permis à certains de nos ancêtres de faire des vêtements, par exemple, voilà, et de pouvoir effectivement s'installer dans des contrées où un singe nu, comme nous le sommes, n'était pas fait pour aller. Est-ce que c'est votre conclusion, Cécile ? Je sens que non, parce qu'on va me poser une autre question, mais allons-y. Est-ce que dans le public, il y a une question qui ne soit pas une question de François Angelier liée au rapport entre les chihuahuas et les bergers allemands? Pierre Garner. Non, je vais être gentil. Du coup, il y a un phénomène dans lequel il n'y a pas d'isolation géographique et pour lequel il y a un phénomène de spéciation, c'est-à-dire l'apparition de deux espèces. C'est par exemple quand il y a une impossibilité, cette fois-ci comportementale, qui s'installe entre différentes populations. Par exemple, pour des grenouilles qui auraient des cris aigus ou des cris graves et qui attiraient donc des femelles qui aiment bien les cris aigus ou les cris graves. Et donc, moi, ma question, c'est quelle serait la possibilité dans l'espèce humaine, quelle incompatibilité comportementale on pourrait observer? Cécile. on en trouve. Alors, est-ce qu'on pourrait pas du tout au point de créer une nouvelle espèce, évidemment. Et souvent, les cas à travers lesquels on s'en aperçoit sont des cas plus dramatiques. Mais les populations qui ont des traditions très fortes, notamment religieuses, qui se marient entre eux, ont tendance à fixer des gènes de maladies génétiques, par exemple. Chez les Amish, qui sont pourtant noyés au milieu de millions d'Américains, il y a une forme de nanisme dont j'ai oublié le nom, voilà, qui est très courante et qui est liée au fait qu'ensemble, ils se marient entre eux, ils vont pas se marier à l'extérieur. Merci beaucoup, Pierre, de votre intervention. On va passer à la troisième question. Un indicatif qui ne peut avoir qu'un seul sens, vous qui avez l'habitude de ces défis du vendredi. 10 minutes pour expliquer l'intégralité des problèmes de la matière condensée, c'est évidemment une question pour Sylvain Guilbeault. Une question impossible. Attention, et vous êtes prêts, si vous êtes chez vous, il faut parfois l'écrire parce qu'elle est un peu longue. Existe-t-il, Sylvain, un processus physique donnant naissance à une singularité nue, c'est-à-dire une région de l'espace dont le champ gravitationnel prend des valeurs infinies et qui ne serait pas cachée derrière un horizon des événements? C'est une question de Léo Quentin. Vous avez 5 minutes. Bonne chance, Jim. Merci beaucoup pour cette question que je connais singulièrement mal, à vrai dire. Donc, Effectivement, commençons par le début. Une singularité, donc, comme le dit la question, c'est vraiment ça serait une région de l'espace où la courbure de l'espace-temps qui compose vraiment notre univers devient infinie. La question dit champ gravitationnel, mais ça revient au même. C'est-à-dire une région où voilà, il y a des paramètres physiques qui deviennent infinis. Et ça, c'est un problème souvent chez les physiciens quand il y a des paramètres qui deviennent infinis. Ça les embête beaucoup parce que souvent, ça veut dire que ça n'a pas de sens finalement, quelque chose qui est infini. C'est-à-dire qu'il y a un problème que la théorie arrive à ses limites, voire que la théorie elle-même est en faillite. Et pourtant, la théorie de la relativité générale d'Einstein est la théorie qu'on connaît le mieux à l'heure actuelle. Voilà. Et dans ces équations apparaissent des singularités, c'est-à-dire des moments, des régions particulières de l'espace-temps où effectivement le champ gravitationnel devient infini, la courbure devient infinie, ces éléments divergent et finalement deviennent très étranges. Donc Einstein formule ces équations en 1915-1916 et quasiment après, un autre scientifique, Karl Schwarzschild, trouve des solutions de ces équations qui justement présentent des singularités. Ensuite, ça deviendra ce qu'on appelle les trous noirs. Donc, je pense que les trous noirs sont familiers aux auditeurs de la méthode scientifique. Ce sont vraiment des régions de l'espace-temps très, très étranges, puisque du coup, on peut les traverser, mais rien ne peut en ressortir. Et du coup, à ces trous noirs correspondent des singularités dans les équations d'Einstein. Les équations d'Einstein divergent et deviennent infinies. La question, longtemps, les physiciens, les astrophysiciens, très peu ont cru vraiment à l'existence de ces trous noirs. Franchement, c'était des singularités. Il devait y avoir quelque chose qui faisait que ça n'existait pas, en fait, dans l'univers. Et on s'est rendu compte, essentiellement dans les années 1960, je pense là aux travaux essentiellement de Stephen Hawking, de Roger Penrose, donc, qui ont vraiment étudié les équations de la relativité d'Einstein et qui ont montré, au contraire, que certaines de ces singularités étaient vraiment prédites par la théorie. Donc on pouvait pas les ignorer. En particulier, au centre de chacun des trous noirs, il se trouve une singularité. Une singularité qu'on ne peut pas éviter. Alors la relativité générale les prédit, elle n'en prédit pas plus. On ne sait pas vraiment explorer ces singularités, là ça va au-delà de la théorie. Donc ensuite, on a trouvé des évidences expérimentales de ces trous noirs. Donc, on pourrait dire de ces singularités. Sauf que dans un trou noir, comme je vous l'ai dit, on peut le pénétrer dans un sens, on ne peut pas en ressortir, car le trou noir est entouré de ce qu'on appelle un horizon des événements. Cette frontière, qui n'est pas une frontière physique, mais qui est vraiment la frontière au-delà de laquelle rien ne peut ressortir du trou noir. S'il y a une singularité au centre du trou noir, elle est en quelque sorte habillée par cet horizon des événements. Et on en arrive à la question, et la singularité nue, du coup. Voilà, la singularité nue, ça serait donc une singularité avec aucun horizon autour, donc que quelque chose pourrait s'en échapper et nous parvenir. On pourrait voir directement une région où le champ gravitationnel est infini, donc une région où la relativité générale s'arrête. Ça serait fantastique, on pourrait vraiment étudier in situ l'au-delà de la relativité générale, c'est-à-dire une théorie quantique de la gravitation. Ça n'existe pas. En fait, Roger Penrose, dont je parlais tout à l'heure, a vraiment essayé à la fin des années 60 de trouver un phénomène qui produirait donc une singularité sans qu'en même temps se crée un horizon. Par exemple, un trou noir, ça se crée quand une étoile massive s'effondre sur elle-même, et voilà, la densité devient telle qu'un trou noir se forme, sauf que à chaque fois, il y a un horizon qui se forme. Roger Penrose a essayé de trouver un mécanisme qui ferait que l'étoile s'effondre sans former d'horizon. Il n'en a pas trouvé. Et il a formulé ce qu'il a appelé la conjecture de censure cosmique, qui a dit, s'il y a une singularité dans l'univers, elle est forcément habillée. On ne peut pas voir la nudité d'une singularité. Elle est forcément censurée par quelque chose. Et il l'a conjecturée sans pouvoir la démontrer. Et donc, à l'heure actuelle, il n'existe pas de phénomène connu dans notre univers qui puisse donner naissance à une singularité nue. Je mets de côté la question du Big Bang. Après, il y a des cas rotors. Notamment, ça a donné lieu à un pari entre Stephen Hawking, Kip Thorne et John Preskill, donc trois scientifiques qui dépassent largement les capacités que j'ai moi-même d'expliquer leurs travaux, mais qui ont parié au début des années 90. Voilà, Stephen Hawking était assez fan de paris, et il a parié avec Kip Thorne et John Preskill que selon lui, il n'existait aucune singularité nue possible dans notre univers. Malheureusement pour lui, quelques années plus tard, il y a eu des physiciens qui ont fait des simulations. Alors, bon, voilà, ils n'ont pas étudié les équations en temps de plaque, ils ont fait une simulation, comme quoi, si on prenait une onde gravitationnelle qui se comprimait sur elle-même jusqu'au point d'imploser, alors dans certains cas très très précis, on pouvait avoir une singularité nue. Pourquoi je dis que c'est pas possible dans notre univers? Parce que c'est des cas, en fait, où les paramètres devaient être ajustés de façon tellement fine que ça ne pouvait pas être un phénomène naturel. Donc Stephen Hawking a été bon joueur, il a reconnu avoir perdu son pari, mais il a reparié tout de suite après, en cette fois explicitant directement que ça devait être un phénomène qui puisse vraiment arriver dans l'univers, et le pari tient toujours, même après sa mort. Mesdames et messieurs, Sylvain Guilbeault s'en note, hein, je tiens à le préciser. c'est votre conclusion. Non, mais ça mérite de la reconnaissance. Je mets quiconque au défi dans cette assemblée de poser une question pour compléter ce que vient de dire Sylvain Guilbeault, qu'il parle ou se taise à Catherine Dufour. Oui, moi j'ai lu aussi Stephen Hawking, mais je ne l'ai pas aussi bien compris que vous. Parce que pour moi, un trou noir, logiquement, c'est très chaud, parce que c'est quand même une étoile qui s'effondrait sur elle-même. Alors Hawking dit que ça serait un très chaud de l'ordre de moins 272 degrés centigrades, puis il y a tout un phénomène d'évaporation. Donc j'aimerais bien, voilà ma question, est-ce qu'un trou noir, si on met un thermomètre dedans, c'est très chaud ou c'est très froid ? Sylvain Guilbeault. Alors, si on met un thermomètre dedans, on pourra pas lire le résultat. Donc Et voilà, c'est terminé. Question suivante. Merci. Et on va rester dans l'univers Mission Impossible pour cette quatrième question qui s'adresse à Tania Louis et qui pourrait être issue d'un nouvel épisode de la franchise. Tania, que se passerait-il si la fonte du pergélisol libérait un virus ? Est-ce que cela pourrait provoquer une pandémie mondiale ? Bien, merci déjà à la personne qui a posé cette question, parce que je la trouve très cool. Et je m'attendais à vous présenter un scénario catastrophe au départ, mais en fait, vous risquez d'être un peu déçus. Alors reprenons les termes du sujet, j'ai fait ça comme une bonne élève, j'ai fait ma petite biblio. Une pandémie, c'est défini par l'Organisation mondiale de la santé comme la propagation mondiale d'une nouvelle maladie. Donc il y a un critère géographique, il faut qu'il y ait une répartition un peu partout sur le globe. Il y a l'idée d'une nouvelle maladie et non pas d'une maladie ancienne, parce que si la population est déjà immunisée, forcément la propagation va être limitée. Après, on peut mettre des gros guillemets à « nouvelle » parce que si une maladie qui circulait il y a 3 siècles ressort aujourd'hui, la population ne sera plus immunisée. Et donc c'est une ancienne maladie qui pourrait provoquer une nouvelle pandémie. Mais il y a aussi deux notions qui sont présentes dans l'inconscient collectif quand on parle de pandémie et qui ne font pourtant pas du tout partie de la définition. C'est la notion de gravité de la maladie et la notion d'espèce ciblée. Quand on parle de pandémie, on pense forcément à une maladie apocalyptique qui cible l'homme. Ça ne fait absolument pas partie de la définition de base. Donc prenons des critères larges, considérons même des maladies qui ne seraient pas graves, genre une pandémie de rhume, et qui ne cibleraient pas l'homme, mais des populations animales ou végétales, ce qui est tout aussi envisageable. Une pandémie de rhume de castor, par exemple. Ouais, voire même une pandémie ciblant des bactéries, puisqu'il y a des virus qui infectent des bactéries, et que les bactéries sont beaucoup plus nombreuses que nous à la surface du globe. Je ne sais pas si elles peuvent éternuer, par contre. Ça convoque des images moins perturbantes que le chihuahua tout à l'heure. Ce sera une question pour la 600e de la méthode scientifique. Une bactérie peut-elle éternuer ? C'est ça. Donc prenons une définition large de la pandémie. La question concernait une pandémie virale. Donc pour qu'un virus puisse sortir du pergélisol aujourd'hui et se propager, il y a aussi un certain nombre de conditions pour qu'il ait été conservé et qu'il soit encore infectieux. Alors il y a des gens qui s'amusent à étudier la stabilité de leurs échantillons de virus dans les laboratoires, mais il faut savoir qu'on est un peu limité parce qu'on n'a pas toute une gamme de températures sous la main. En général, on a de l'azote liquide qui est à moins 195 degrés Celsius, des congélateurs à moins 20 et des frigos à 4. On sait que jusqu'à moins 20, un virus peut tenir plusieurs décennies sans aucun souci et qu'à 4, il tient quelques jours tout au plus. Mais on n'a pas vraiment la gamme entre moins 20 et 0 degré qui correspond plutôt à ce qui se passe dans les parties élevées du pergélisol. Donc là-dessus, suspense. Ce qui est sûr, c'est que si ça dégèle, c'est très mauvais. Donc tous les virus qui seraient contenus dans ce qu'on appelle le mollisol, c'est-à-dire la couche superficielle du pergélisol qui dégèle en été et regèle, ceux-là, c'est certain, ne pourront pas être infectieux. Les virus ne gardent pas leur infectiosité dans ces conditions-là. Par ailleurs, pour qu'il y ait des virus infectieux, il faut qu'ils y aient été déposés à un moment ou à un autre. Et il faut que ces virus, à un moment, puissent être libérés. Et là, on arrive à un point qui est très limitant, en fait, qui est qu'est-ce qu'un pergélisol ? Oui, bah oui, c'est pas évident, hein. Alors, je vous conseille un très bon podcast d'une émission qui s'appelle La méthode scientifique, qui a consacré une heure sur les pergélisols que j'ai réécouté en voiture avant-hier, qui vous permet d'apprendre que la définition du pergélisol, c'est d'un sol qui est gelé depuis au moins 2 ans, donc qui n'est pas passé au-dessus de 0 degré pendant au moins 2 ans, et qu'en fait, ça correspond à quand même 20% des terres émergées du globe. Donc, des pergélisols, il y en a beaucoup, avec une grande diversité, parce qu'il y a une grande diversité de sols à la base. On en trouve beaucoup dans les régions polaires, notamment pôle Nord au-dessus du 60e degré, mais il y en a aussi plus proche de chez nous, dans les montagnes, et notamment dans les Alpes. Donc si vous pensez à une pandémie qui sort d'un pergélisol, elle peut sortir à Mont-Genèvre, hein, elle ne sort pas forcément en Alaska. Ceci dit, comme je le disais, les pergélisols sont des sols, ce ne sont pas des glaciers qui fondent. Un sol qui dégèle ne libère pas instantanément tout le contenu du sol. S'il y a un virus qui dégèle à l'intérieur du pergélisol, encore faut-il qu'il puisse en sortir, ce qui n'est pas du tout évident. Même si on a eu des exemples très frappants il y a quelques années de trous qui se formaient spontanément avec la fonte des pergélisols. Alors j'ai noté quelque part le nom de la péninsule, mais je suis pas sûre de le retrouver. La péninsule de Yamal, où il y a eu des énormes trous qui sont apparus du jour au lendemain. On se demandait d'où ça venait de la fonte des pergélisols. Donc il peut y avoir des choses libérées, d'autant qu'il y a des personnes très malines qui vont faire des forages dans les pergélisols pour récupérer des ressources. Donc ça, pour exposer les couches profondes qui contiennent potentiellement des pathogènes, c'est parfait. Mais il reste encore un critère qui en fait est le critère limitant, qui fait qu'à mon avis, une pandémie virale qui vient des pergélisols n'est pas possible. C'est que pour qu'un virus qui a été conservé dans des bonnes conditions reste infectieux, il faut qu'il soit décongelé rapidement. Quand on travaille en laboratoire sur des échantillons de virus, on les sort du moins 80 degrés, on les met à 37 degrés et on les met tout de suite sur les cellules qu'ils vont infecter. Le pergélisol, pour passer de moins 20 degrés à 0 degré et dégeler, il va lui falloir un certain temps. Et il faudrait que ce soit condensé en peu de temps et que, en plus, ça corresponde au moment où on fait un forage et qu'il y ait une personne sensible à côté. On arrive quand même à un degré d'improbable assez élevé. C'est votre conclusion, Tania ? J'ai plein d'anecdotes, mais j'ai très envie d'écouter les questions des gens. Est-ce qu'il y a des questions dans le public maudit ? Roland Lehoucq. Du coup, ma question, c'est du coup, on va plus probablement mourir du dégazement de méthane dû au pergélisol que d'une infection bactérienne ou virale issue du pergélisol. Ouais, alors, clairement, le plus gros risque avec le pergélisol, c'est un risque climatique, parce qu'il contient beaucoup de gaz à effet de serre, notamment du méthane, qui a un pouvoir beaucoup plus important en termes de réchauffement que le CO2. Et il faut savoir que la libération de ces gaz à effet de serre par le pergélisol n'est pas encore prise en compte dans les modèles d'évolution du climat du GIEC, parce que c'est un phénomène qu'on ne comprend pas encore assez pour l'intégrer dans des modèles mathématiques. Donc clairement, il vaut mieux s'inquiéter de ça. Après, les bactéries sont en fait beaucoup plus dangereuses que les virus, parce que les bactéries sont capables de former des spores qui, eux, peuvent être libérés et sont beaucoup plus résistants aux conditions de décongélation. Et d'ailleurs, en 2016, toujours à Yamal, ils n'ont vraiment pas de chance, il y a eu une épidémie d'anthrax. Parce qu'il y a eu du dégel qui a libéré sur les rennes. Et il y a un enfant qui avait mangé du renne qui est mort. Donc, voilà, il y a eu des cas d'épidémie bactérienne qui venaient de dégel du pergélisol, mais pas d'épidémie virale. Eh bien, vous découvrez donc que c'était la réponse générique à cette question. On va tous crever, et très bientôt. La méthode scientifique, la 500e. Et la question suivante s'adresse à Sébastien Carassou, l'homme qui, je cite, n'a jamais été bon au jeu télé sauf au Big Deal. Eh oui, il n'y a aucune coulisse dans cette émission, Sébastien. C'est donc... Je me sens trahi. Pardon, c'est donc à votre tour puisque l'univers est en expansion. La question, Sébastien, qui vous est posée par, et c'est encore une vraie personne que je salue, Snooze561. La question est donc, comment définir dans quoi l'univers s'étend ? Ok, donc, ce qui est intéressant avec cette question, c'est qu'elle pointe directement sur une conception erronée de l'expansion de l'univers. Bon alors, je vous rassure, hein, tout le monde a cette conception erronée, c'est normal, c'est relié par quasiment tous les documentaires de vulgarisation. Et donc, quand on imagine le Big Bang, par exemple, l'image qu'on a tous en tête, c'est cette espèce d'explosion là qui part d'un point bien précis de l'espace et qui s'étend dans l'espace alentour. Sauf que cette vision, elle est triplement fausse. Déjà, parce que le Big Bang n'a pas eu lieu dans un coin de l'univers qu'on pourrait pointer du doigt. Le Big Bang, il a eu lieu absolument partout, dans tous les coins du cosmos et au même moment. Il a eu aussi bien lieu dans la galaxie la plus lointaine que dans votre cuisine. Et le truc, c'est qu'il y a 13,8 milliards d'années, au moment du Big Bang, la distance entre votre cuisine et l'endroit où se trouve aujourd'hui la galaxie la plus lointaine, elle était quasi nulle. Donc ensuite, dans l'image qu'on a d'une explosion, le nuage de l'explosion, il possède un bord bien défini. Alors que l'univers, bah, il n'a pas de bord. En tout cas, pas de bord qu'on connaisse pour l'instant. Alors ici, il va falloir faire une distinction entre univers observable et univers tout court. Alors l'univers observable, c'est la partie de l'univers qui peut être observée avec des télescopes. Donc c'est une boule qui est centrée sur la Terre, qui a une taille finie, et qui contient tous les rayons de lumière qui sont émis par les objets du cosmos qui ont pu toucher nos télescopes depuis le début de l'histoire de l'univers. Bon, ça ne veut pas dire qu'on est au centre de l'univers, hein, mais l'univers observable, par définition, dépend de l'observateur. Si l'observateur se trouve sur la planète Terre, son univers observable aura pour centre la planète Terre. Si l'observateur se trouve dans la galaxie d'Andromède, son univers observable sera centré sur Andromède. Et il sera différent de notre univers observable parce qu'il captera des rayons de lumière qui ne peuvent pas nous atteindre nous, et inversement. Donc en résumé, l'univers observable, c'est une boule de taille finie, avec un bord, mais un bord qui n'a rien de physique. Hein. C'est un bord conceptuel qui détermine les limites de notre perception du cosmos. Mais l'univers observable, il ne représente qu'une fraction infime de l'univers tout court. Et pour le coup, la taille de l'univers tout court, ben on n'en a aucune espèce d'idée. Il pourrait aussi bien être fini qu'infini, mais dans tous les cas, s'il est fini ou infini, ben il n'a pas de bord. Bon alors c'est facile de se conceptualiser un univers infini sans bord, parce qu'il est infini. C'est facile, vous y allez un peu vite quand même. Hein. Bon mais tout le monde sait faire ça. Mais alors qu'est-ce que ça voudrait dire de vivre dans un univers fini sans bord? Eh bien ça voudrait dire un univers qui est replié sur lui-même. Dans un univers fini sans bord, si vous allez en ligne droite constamment, vous finirez inévitablement par revenir à l'endroit où vous avez commencé votre voyage. Un peu comme dans un jeu de Pac-Man au final, ou comme dans une fourmi qui marche en ligne droite sur un ballon de plage. Donc voilà, contrairement à une explosion, l'univers n'a pas de bord. Deuxième erreur dans cette image mentale. La troisième erreur, c'est qu'une explosion, elle s'étend dans un milieu extérieur. Elle prend de plus en plus de place dans un milieu qui préexiste et qui contient cette explosion. Sauf que l'univers, il ne s'étend pas dans un territoire extérieur vierge, une espèce de vide primordial. Non, l'univers, par définition, contient tout l'espace qui existe. Du coup, il ne peut rien avoir en dehors de l'univers. Il n'y a pas du vide, il y a du rien. Et à partir de là, la question dans quoi s'étend l'univers, elle commence à perdre son sens. Parce que par définition, l'univers ne peut s'étendre que dans lui-même. Le Big Bang est donc une explosion de l'espace et pas dans l'espace. Bon alors, je sens bien que je suis en train de vous perdre. Donc, non, pas du tout. Alors maintenant qu'on a vu que l'expansion de l'univers, ce que l'expansion de l'univers n'était pas, on va pouvoir repartir sur les raisons qui nous poussent à penser que l'univers est en expansion. Donc tout commence dans les années 20, grâce entre autres au travail d'un certain Edwin Hubble, un astronome américain. Et donc Edwin Hubble, il observe des galaxies lointaines et il se rend compte que ces galaxies, bah, elles s'éloignent toutes de nous. Donc non seulement elles s'éloignent de nous, mais plus elles sont loin de nous, plus elles s'éloignent vite. Bon, encore une fois, ça ne veut pas dire qu'on est au centre de l'univers, hein, parce que si on était dans une autre galaxie, il y aurait un Edwin Hubble extraterrestre qui aurait vu exactement le même phénomène. Donc toutes les galaxies s'éloignent en fait les unes des autres. Et bien c'est cette observation qui a mené à l'idée que l'univers a une histoire, et qu'il est en expansion depuis des milliards d'années. Alors cette expansion, elle est décrite par les équations de la relativité générale d'Einstein. Mais pour bien l'intuiter, il n'y a rien qui vaut une bonne métaphore culinaire. Et ma métaphore culinaire préférée, c'est celle du cake au raisin. Donc dans cette métaphore, l'univers, c'est un cake au raisin qui gonfle au four. Les raisins, ils représentent les galaxies, et la pâte à gâteau représente l'espace-temps. Alors que l'univers gonfle, les raisins s'éloignent les uns des autres de plus en plus. Mais attention, les raisins ne bougent pas à travers la pâte à gâteau, c'est la pâte qui gonfle. Autrement dit, les galaxies s'éloignent les unes des autres, pas parce qu'elles bougent à travers l'espace-temps, mais parce que l'espace-temps entre les galaxies s'étire. On peut donc voir l'univers comme une machine qui crée de l'espace-temps continuellement depuis 13,8 milliards d'années et qui s'étend dans lui-même sans bord ni centre. Vous avez de la chance, vous n'êtes pas allé au bout du chronomètre, on voulait vous mettre un petit coup de pression, Sébastien. C'était le bon, cas. Allez, enlevez-moi ce chronomètre. J'ai vraiment l'impression d'être dans un jeu télévisé par moment, ça m'inquiète. Excusez-moi. La question suivante s'adresse à Élodie Chabrol, et c'est là qu'on est bien sur France Culture, parce que c'est une question qui ne nous concerne pas, ou quasiment pas. Élodie Chabrol, pourquoi est-ce que les publicités, ça fonctionne? Et, question subsidiaire, si ça fonctionne, est-ce qu'on peut trouver un antidote à la pub? Alors, on va partir dans le cerveau, forcément, pour voir comment les publicités agissent. L'idée, c'est que le cerveau peut être divisé en trois parties. Okay, il y a la partie la plus centrale, qui sera vraiment au-dessus de la moelle épinière, qu'on appelle le cerveau primitif ou cerveau reptilien. C'est en gros un cerveau qui date d'il y a très très très longtemps et qui va gérer tout ce qui est fonction vitale. la respiration, le rythme cardiaque, la pression sanguine, etc. C'est le morceau de cerveau qui fait que quand vous traversez la rue et qu'il y a une voiture qui arrive, vous avez votre rythme cardiaque qui s'accélère et vous êtes prêt à partir en courant. Sans lui, c'est foutu. Il y a une deuxième partie du cerveau qui s'appelle, ou qui en gros gère les émotions, c'est le cerveau limbique, donc lui c'est un petit peu plus autour. Et il va être à la base de tout ce qui est émotions, mémoire profonde, etc. Donc lui, il va gérer aussi un petit peu ce genre de réaction, mais un petit peu plus approfondi, un petit peu meilleur. Et là, on a un troisième cerveau, qui est là le cerveau rationnel, qui, lui, va être capable de répondre à des questions comme les deux là qu'on a eues, celle de Sylvain et celle de Sébastien. C'est lui qui va réfléchir à ce genre de questions et qui va être capable de sortir ce genre de réponse vraiment très, très élaborée. Et la pub, elle, je vous le donne en mille, quel cerveau elle va cibler ? Elle va cibler le cerveau reptilien et le cerveau émotionnel, bien sûr. Je croyais qu'on n'avait plus le droit de parler de cerveau reptilien. Alors, c'était une ancienne notion, que c'était fini. C'est en discussion. C'est-à-dire que quand on regarde... Non, mais c'est vrai, j'ai essayé de chercher. C'est vrai qu'on continue de voir ça. Je pense que ça change. Mais il y a quand même cette idée de cerveau qui vraiment... Alors, on appelle plus reptilien, on appelle ça cerveau primitif. Le cerveau qui réagit. Mais vraiment, l'idée, c'est que les pubs vont généralement cibler ça. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'est un cerveau qui est très rapide, qui n'est pas très réfléchi, mais qui est très rapide, qui est surtout inconscient. C'est-à-dire qu'on ne va pas du tout réfléchir à ce qu'on va faire. On va faire ça vraiment complètement inconsciemment et qui est incontrôlable. Donc généralement, ce cerveau-là va prendre le pas sur la rationalité, sur la raison. C'est-à-dire que quand on voit une pub, on va avoir envie, par exemple, de manger une pizza, d'ouvrir un soda, d'acheter le dernier téléphone qui, ah oui, est beaucoup mieux que le mien pour aucune raison. C'est donc ce genre de stimulus, en fait, qui vont faire réagir. Donc typiquement, les choses qui vont bien marcher, par exemple, ça va être les contrastes, les avant-après. Genre les régimes où on voit la personne qui a perdu 30 kilos, on se dit « Ah ouais, c'est génial, ça doit marcher trop bien, ça ». Ça, c'est ce genre de réaction. Ou les cheveux, avant-après, avant chirurgie capillaire, après chirurgie capillaire. Par exemple, non mais... Pourquoi est-ce que vous rigolez tous en regardant Roland Lehoucq ? C'est vraiment pas gentil du tout. Et donc, du coup, généralement, ce que vont faire les gens qui préparent les publicités, c'est qu'ils vont vraiment essayer de cibler ce type de réaction. Par exemple, les pubs pour les pizzas, l'idée, c'est au lieu de faire dire oh, « j'ai envie d'une pizza », on va jouer sur la peur. La peur que la pizza n'arrive pas assez tôt ou pas assez vite. Donc du coup, les pubs vont cibler vraiment le temps que la pizza va mettre à arriver à la maison, par exemple. Et on va dire « Ah, là, vraiment, vous pouvez suivre la pizza, la traquer tout le long grâce à notre app et vous pouvez savoir où est votre pizza. » Donc là, on va avoir envie d'acheter là parce que, voilà, au moins, on sera tranquille, on saura qu'on aura notre pizza, etc. Mais alors, en quoi ça suscite la peur de me dire, par exemple, qu'il y a de l'huile de babassouya dans mon gel douche ? Alors ça, c'est plus les émotions. D'accord. Ça m'émeut assez peu personnellement et je ne mets pas d'huile de babassouya parce que c'est mauvais pour la nature. Ça n'existe pas, l'huile de babassouya. Oui, je sais, c'est pour ça que voilà, je suis en train de réfléchir. Ça a l'air d'être une huile bizarre, pas bon pour l'environnement probablement. Là, ça sera plus les émotions. Enfin, les huiles de palme, par exemple, ça va jouer sur l'émotion. On va se dire, ah oui, non, c'est mal et on ne va pas le faire. Il y aura un petit peu de rationalité là-dedans. Le truc nouveau, c'est vraiment avant en marketing, ce que les gens essayaient de faire, c'est de comprendre quels besoins avaient les gens et d'essayer de faire des produits qui allaient avec ces besoins, ou en tout cas de faire des pubs pour cibler ce genre de besoins. Et il y a un nouveau domaine qui est arrivé, c'est le neuromarketing. C'est-à-dire que là, on pousse le marketing très très loin. C'est-à-dire qu'on va tester les pubs sur des gens, mais avec des méthodes neuroscientifiques. Des méthodes vraiment scientifiques, c'est-à-dire on va mettre des EEG, donc des électrodes qui vont voir l'activité cérébrale à des sujets, et on va essayer des pubs et voir comment ils réagissent. Donc vraiment, quelle est la pub qui va réagir le mieux ? Donc cibler comme ça. Il y a des IRM fonctionnels aussi, où là on va voir quelles aires du cerveau vont s'activer suivant le genre de pub, etc. Donc là vraiment, on arrive dans une ère de marketing qui est vraiment ultra, ultra scientifique et qui est ultra efficace. Voilà, c'est plus vraiment juste cibler quel type de cerveau, c'est vraiment cibler très très finement les réactions des gens en face. Et se pose la question de l'antidote, on peut s'immuniser contre la pub ? Alors moi, ce que je dis, c'est que il n'y a pas de remède miracle hein, qu'on peut s'injecter, mais je pense que faire marcher la rationalité et puis voilà, prendre un peu plus de temps et se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin du dernier téléphone ou est-ce que vraiment voilà, je veux tel truc ? Je pense que c'est ça qui peut permettre de jouer en tant qu'antidote, c'est-à-dire faire marcher le cerveau un petit peu rationnel, faire marcher sa raison. ou vivre dans un caisson de privation sensorielle, oui. Mais c'est compliqué pour se faire livrer des pizzas. Dans une cave, dans une cave. Est-ce qu'il y a une question dans la salle, Roland Lehoucq, qui est intéressant? J'ai une méthode pour s'immuniser contre la publicité que j'ai moi-même utilisée petit, que j'ai utilisée avec mes enfants, qui consiste seulement à couper le son de la télé quand il y a des pubs et d'imaginer un dialogue grotesque sur ce qui se passe. Et en général, ça se passe très bien. Mais et on se marre bien. Donc là, c'est du coup, c'est voilà, ça retourne les choses. Sinon, l'autre façon, c'est de pas regarder la télé et d'écouter France Culture. Évidemment, évidemment. Et je tiens à préciser que c'était une question d'Hervé BZH1. C'est dommage, donc merci de nous avoir envoyé. Qu'on salue, évidemment, depuis la Bretagne, puisqu'on aura tous compris, évidemment, que Hervé est un Breton. Oui, deviner une origine à partir d'initiales, c'est aussi ça la méthode scientifique, hein, finalement, faire fonctionner un cerveau autre que primitif. Sébastien Carassou ne cesse de rire depuis, vraiment il se bidonne depuis tout à l'heure, de gaz hilarant, je sais pas ce que vous avez pris avant de venir. C'est vous qui êtes drôle, j'ai pas rien. Je vous remercie. Allez, il nous reste deux questions pour finir, l'heure tourne. Nos deux dernières questions, je me retourne vers Olivier Lascar. Les auditeurs de France Culture n'ont pas été très cléments avec vous, alors en fait ils ont été très sympas, mais c'est ils nous sont qui pas avons... les seuls, oui. C'est ça, c'est-à-dire que c'est nous qui avons choisi les questions, donc en fait c'est nous vraiment les ordures. Bref, Olivier. Question, le Nicolas. Déplacement permanent est-il la condition qui rend possible au sein de l'espace-temps l'existence même d'une dimension temporelle? C'est une question que nous avons reçue par mail d'Eugène Pelletier. Merci Eugène d'abord, parce que c'est une toute belle question, hein. Elle est bien, elle est belle. Alors ces genres de questions, je pense qu'il faut décortiquer comme une orange, hein, pour essayer de voir ce qu'il y a au cœur, pour ensuite après remettre les beaux quartiers d'orange et la peau autour. Et finalement, notre auditeur Eugène, n'est-ce pas Eugène ? Tout à fait. Met en équivalence le temps et le changement, c'est-à-dire le mouvement. Est-ce que ça a un sens de dire que temps et mouvement fonctionnent ensemble ? Bon, pourquoi pas finalement, ça correspond à des expressions de la vie de tous les jours, temps suspend ton vol, ou quand on a l'impression que le temps se gèle parce que il ne se passe rien, on s'ennuie. Bon, ce qui n'est pas le cas, hein, évidemment, quand on est avec vous. Mais c'est quand même contre-intuitif, parce qu'on a tous l'impression que le temps, il existe de toute éternité, il a toujours été là. Après tout, Homo sapiens, le plus vieil Homo sapiens, je crois que c'est 300 000 ans, et la Terre, elle a été formée il y a à peu près 4 milliards d'années. Donc il y a un bon laps de temps où il s'est passé des choses, où le temps s'est écoulé, alors que nous, on n'était pas là. Or, ce temps intuitif, ça a aussi longtemps été le temps de la science, puisque c'est celui qu'a utilisé notre ami Newton au XVIIe siècle pour ses équations qui permettaient de décrire le mouvement des objets célestes. Hein, c'est des équations qui intègrent la variable temps et qui fonctionnaient à l'époque de Newton et qui continuent à fonctionner aujourd'hui pour dire le mouvement de Vénus, Saturne et compagnie, aujourd'hui et dans 3 siècles. Ça permet aussi de décrire comment, par exemple, 2 enfants vont se lancer une balle à bout de bras. Mais le problème avec cette conception du temps, c'est qu'elle est imparfaite parce qu'elle est réversible. Le temps vu par Newton, ce temps intuitif, c'est un temps dans lequel le passé et le futur sont équivalents. Alors si on garde mon exemple, là, des 2 enfants qui se lancent une balle à bout de bras, si on filme la scène et si on la passe en arrière, la scène aura toujours un sens d'un point de vue physique. Elle sera toujours plausible. Pourtant, on sait qu'il existe des événements, des mouvements qui sont irréversibles. Et ça, c'est des événements qu'on éprouve tous dans la vie de tous les jours, quand on fait tomber une tasse de café par terre, quand on regarde une bougie qui se consume, ou quand on verse de la grenadine dans de l'eau, ou du pastis dans de l'eau, comme après cette émission, sans doute. Pas du tout. Non. Et là, il se passe des choses à l'échelle microscopique qui sont de l'ordre de l'événement irrémédiable. Alors, vous avez cité le beau mot d'entropie tout à l'heure, hein, Nicolas. Seconde là, la thermodynamique. Et là, les physiciens qui se sont intéressés aux mouvements qui ont lieu dans des fluides comme ceux-là, ils ont permis finalement de donner pour la première fois une définition physique au temps. Puisqu'ils ont constaté que le désordre à l'intérieur d'un mélange qui est constitué par ma grenadine et mon eau, ce désordre, il va aller forcément en augmentant au fur et à mesure que le temps s'écoule. Et donc, c'est la première fois que la physique donne une définition du temps qui va forcément du passé vers le futur et qui donne une flèche au temps. Donc, à cet égard, pour répondre à la question d'Eugène, oui, il y a un lien entre mouvement et temps. On peut dire que le temps est forcément lié à la façon dont ce mouvement permanent qui est celui de l'agitation moléculaire, de cette entropie, va aller en augmentant. Après, si je retourne à la surface de mon orange de tout à l'heure, si je puis dire, et que je reprends les termes de la question de notre ami, Eugène, il parle, lui, carrément d'espace-temps. Il ne parle plus de temps. Alors finalement, on est ailleurs, puisque l'espace-temps, ça fait directement référence, évidemment, à Einstein, qui a été cité de nombreuses fois depuis le début de cette émission, qui dit, lui, que l'espace et le temps, il faut laisser tomber, et il faut prendre tout ensemble pour concevoir ce fameux espace-temps. Alors, là aussi, on a tous une image mentale de cet espace-temps, cette toile tirée, souple, comme un peu le filet des pompiers, là, quand ils accueillent les gens qui veulent sauter d'un immeuble en feu. Et cette toile bien plane, elle va être déformée par les objets qu'elle reçoit. Et c'est parce que l'univers étant imaginé, conçu de cette façon-là, quand le soleil est au milieu, il déforme cet espace-temps de façon importante, il crée une forme de dépression, et c'est cette dépression qui met en mouvement les astres autour de lui. Ce n'est plus l'attraction gravitationnelle du soleil sur la Terre qui fait bouger la Terre, c'est la masse même du soleil dans l'espace-temps. Et là, on a un lien entre le mouvement et les masses des objets dans l'espace-temps. Vous me suivez ? Moi, c'est à peu près. Bon. Or, Carassou, je suis pas sûr, mais... l'espace-temps... Bien sûr que si. Bon. Moi, j'ai perdu mon fil, là, du coup. Non, on va se retourner vers l'espace du public. Est-ce qu'il y a des questions pièges ? Non, ça y est, ils dorment tous, vous les avez assommés. Voilà, Angelier est en train de faire la sieste. Ah non. Non, mais on attend la suite, non ? Non. Alors, on veut la fin, on veut la fin. Et la fin, donc, la fin, c'est que le temps n'existe plus, finalement, avec Einstein. Voilà, Einstein dit il faut laisser tomber le temps. Le temps est une composante de l'espace-temps, mais effectivement, comme il est défini par les déformations des objets dans cet espace-temps, selon l'endroit où on se situe, on a une perception temporelle qui est différente. C'est pourquoi, selon Einstein, le temps ne va pas s'écouler. On a laissé tomber le temps absolu de Newton. Et là, on est dans un temps qui s'écoule différemment selon l'endroit où on se trouve et selon les mouvements des objets célestes qui sont autour de nous. Donc là, oui, il y a un lien entre mouvement et... Et quoi ? C'est impressionnant, hein, ouais. Et oui, c'est quoi cette musique ? C'est un compte à rebours qu'on vient de vous lancer. Ah oui, voilà, donc il y a un lien, y a un lien entre le mouvement et le temps, j'ai fini. Bravo, merci beaucoup Olivier. Non, le temps passe, donc Catherine, vous discuterez après, moi on n'a plus le temps, on va passer à la dernière question. Et last but not least, Caroline Tourbe, est-ce que vous mesurez maintenant, Caroline, à quel point nous vous avons épargné ce soir ? Oui, oui, oui. Parce que la question que nous avons retenue, qui est une question qui vous est posée par RML Vasquez, c'est une question finalement, somme toute, assez simple, mais en même temps, l'est-elle vraiment ? Pourquoi, Caroline, notre premier souvenir date-t-il de l'âge de plus ou moins 4 ans ? Ah ah, alors vous m'avez épargné et pas épargné, parce qu'en fait, c'est un mystère, une énigme qui excite pas mal les scientifiques en ce moment. L'amnésie infantile, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un sujet d'étude. Il y en a eu plusieurs ces dernières années. Il y en a une notamment qui était assez marrante, je vais commencer par celle-ci, qui était sur l'objet même de l'amnésie infantile. On a pris des populations et on a essayé de voir, au fond, à quelle période de leur enfance remontait le premier souvenir qu'ils avaient gardé. En mémoire. Donc il y a des pourcentages, c'est une étude avec un certain nombre de participants, j'ai plus le chiffre en tête, mais un certain nombre. Donc 30% des participants avaient leur premier souvenir qui était entre 3 et 4 ans, 10% disaient qu'ils avaient un souvenir qui remontait à 1 à 2 ans, entre 1 et 2 ans, ça c'est assez exceptionnel, et 10% 5 à 6 ans, et même encore un pourcentage à peu près de 10% 6 à 7 ans. Donc ça veut dire qu'on n'est pas tous égaux face à l'amnésie infantile. Il y a une autre étude à peu près au même moment qui est sortie, qui était intéressante, qui montrait aussi qu'il y avait des différences culturelles. C'est une étude en Nouvelle-Zélande. On voit que les enfants d'origine maori ont des souvenirs qui remontent à 2 ans et demi en moyenne, alors que les enfants d'origine européenne, c'est plutôt 3 ans et demi. Et la population d'origine asiatique, elle, les souvenirs sont plus tardifs, et encore plus si ce sont des femmes, alors que d'une manière générale, les femmes ont des souvenirs, plus de souvenirs plus jeunes que les hommes. Et là, dans la population asiatique, c'est inversé. Donc on voit que l'amnésie infantile, c'est aussi culturel. Et d'ailleurs, dans les explications qui ont eu cours pendant très très longtemps, on était 100% sur de l'explication en lien avec la définition du langage, par exemple. C'est parce qu'on se serait mis à parler qu'on n'aurait plus de place ou qu'on n'aurait pas l'occasion avant de fixer des souvenirs. Une fois qu'on a le langage, on a les souvenirs et ils vont rester. Une autre explication, c'était aussi de dire, tant que l'enfant n'a pas la possibilité d'avoir une réflexion sur lui-même, ben, il peut pas fixer de souvenirs, ça va finir par s'effacer. En fait, ce qui sous-tend les recherches actuelles, c'est des études en neuro et beaucoup en neurogenèse, c'est que il y aurait la possibilité d'expliquer l'amnésie infantile par le fait qu'à un moment dans le cerveau de l'enfant, il y a une explosion de nouveaux neurones. Quand on naît, en fait, on a un cerveau immature, il va continuer à maturer. Alors, pas de façon en chiffres, c'est pas si énorme, mais enfin ça reste quand même une période de la vie où il y a une création de nouveaux neurones et il faut faire de la place. Donc l'idée ce serait que les souvenirs qui ont été les choses qui ont été vécues avant, elles s'effacent parce que au fur et à mesure dans l'hippocampe qui est une petite région du cerveau qui est vraiment liée à la mémoire autobiographique, il y a un changement, une apparition de nouveaux neurones, faut faire de la place. Il y a une étude, c'est l'étude dont je voulais vous parler qui date de 2014 qui est assez assez cruelle et en même temps assez marrante, c'est une étude qui consiste à créer des souvenirs chez de jeunes souris en leur on les fait entrer dans une salle où le sol est un peu électrifié, elles reçoivent une décharge électrique, voilà le souvenir. Mais méfiez-vous parce que si vous êtes trop longue, on va électrifier le sol aussi. Tout à fait. Le souvenir, on les laisse grandir naturellement, le souvenir s'efface, c'est-à-dire qu'elles vont avoir, on va les remettre dans la salle, elles ne se méfieront pas. Et puis d'autres souris sur lesquelles on a bloqué la neurogenèse, bloqué l'apparition des nouveaux neurones, et ben elles vont parfaitement se souvenir de cette salle et elles vont pas vouloir y aller, elles vont avoir la trouille d'y retourner. Voilà ce que montre l'expérience qui donc a fait le lien entre amnésie infantile, ok, chez la souris, et la neurogenèse. Et ça peut avoir des fondements chez l'humain. Et puis il y a une étude toute récente, 2017, qui est assez marrante, qui est l'idée que, en fait, l'amnésie infantile, c'est pas un problème de souvenir qui aurait disparu, qui serait effacé, mais un problème d'aller à la pêche au souvenir. Et qu'en donnant la bonne amorce, on arrive à retrouver des souvenirs qu'on croyait avoir complètement oubliés. Est-ce que quelqu'un se souvient de la question qu'il voulait poser, Zoé Sfez? Moi, j'ai une question absurde, mais qui va dans le sens. Moi, j'ai des très vieux souvenirs, très très vieux, un an, je crois. Et moi, j'ai le souvenir de me souvenir du ventre de ma mère. Est-ce que c'est possible? Caroline. Oui, oui, oui. Alors, vous pensez à faire une thérapie aussi, Zoé, hein, l'occasion. J'y penserai, merci, Nicolas. La mémoire du fœtus. Alors, il y a 45 minutes. La mémoire du mémoire du fœtus. La mémoire du mémoire. Donc, il y a plein de questions qui se posent sur ça. En effet, il peut y avoir une sorte de mémoire, mais plutôt physique. C'est-à-dire qu'il peut y avoir eu des douleurs, des choses comme ça qui peuvent être liées à la grossesse et qu'on peut retrouver plus tard. Pour ce qui est vraiment d'un souvenir 100% lié à la grossesse et à la vie intra-utérine, là, franchement, on en est loin. Il y a aussi, on sait par exemple que les fœtus vont pouvoir entendre à un certain stade du développement de la musique et se souvenir à la naissance. Mais est-ce que ça fera pour autant un souvenir qui va les accompagner jusqu'à l'âge adulte? C'est là où ça bloque. Voilà. Ce sera le dernier mot de la dernière question, mais vous vous dites, regardant votre monde, mon Dieu, comment ça, il est beaucoup trop tôt, on a encore au moins une dizaine de minutes devant nous, comment se fait-il? Parce que vous pensiez sincèrement que nous allions nous contenter de 8 questions alors que nous en avons reçu des centaines. Je tiens à préciser aux auditeurs que les questions auxquelles nos camarades viennent de répondre leur avaient été envoyées pour qu'ils puissent préparer. Ce n'est pas le cas des prochaines. Et il y a d'autres contraintes, ce sont des questions qui tuent. Tout le monde est invité à répondre, y compris vous dans le public. Oui, tout à fait, maintenant vous faites moi les malins. La réponse doit être nécessairement courte, succincte, concise, des réponses rapides à des questions complexes. Allez, on met la musique qui fait peur. Un atome seul dans l'espace induit-il un effet de gravité sur ce qui l'entoure? Qui répond? Le hook. Oui. Non, un peu plus quand même. Il a une masse, c'est de la matière, donc il crée un champ de pesanteur, un champ de gravité, modeste, mais non nul. Deuxième question. La vie serait-elle possible dans un univers à 4 dimensions spatiales? Qui répond? Oh, il y a Guillaume Duret qui fait la gueule. Allez Guillaume, on vous a pas entendu de l'émission. Guillaume, non? Sur le hook. Non, mais pas tout. Bon, allez, vas-y. Non. Enfin, peu probablement. Parce que la physique à 4 dimensions, 3 dimensions d'espace et une de temps, les phénomènes physiques peuvent être écrits en ajoutant des dimensions d'espace, mais les équations qui régissent ces phénomènes avec 3 d'espace et une de temps n'ont pas les mêmes propriétés mathématiques, et notamment de stabilité des solutions et même d'existence des solutions. Donc un espace à 3 dimensions et une de temps d'espace et une de temps, ça fonctionne manifestement. 4, 5, 6, 10 d'espace et moins d'espace, 2, 1... zéro dimension d'espace, c'est beaucoup moins clair. Donc il y a des questions qui se posent sur la validité, la stabilité et l'existence même des solutions, des mêmes équations physiques écrites dans un espace à plus de dimensions spatiales développées. Après, on peut parler des dimensions microscopiques qui se referment sur elles-mêmes. Et de la théorie des cordes. Bon, allez, on change de musique qui fait peur. Ça, c'est pas une question pour le hook. Qu'est-ce que la science peut dire de ce qui se passe dans la tête d'un chien ou d'un chat, notamment lorsqu'il regarde une émission pour les chiens à la télévision? Rien, on ne peut rien dire. Le hook, ça suffit, il a répondu à tout. Élodie Chabrol. Il se passe rien. C'est-à-dire rien, il y a quand même une activité cérébrale. Oui, il doit y avoir une activité cérébrale, il doit y avoir tout ce qui est air visuel, etc. Ils doivent être excités, mais par contre, on ne peut pas encore exactement savoir ce qu'ils pensent, en tout cas pour le moment. Une autre question, je pense que c'est pour Patrick Beau, celle-là. Quid de la poule ou de l'œuf en premier, Patrick? Alors, il me semble que la question avait trouvé une réponse il y a quelques années de ça, après avoir fait débat pendant des siècles. Et je crois que, à la base, c'est la poule avant l'œuf, si je ne m'abuse. Après, je pourrais difficilement développer. Qui ça? Vraiment que c'est l'œuf avant la poule, puisqu'il y a eu des œufs bien avant qu'il y ait des poules. Robin Jamais. Alors, j'ai plus les sources exactes, mais je sais qu'une expérience scientifique fort sérieuse a eu lieu. Aux États-Unis, quelqu'un a voulu vraiment avoir une réponse sérieuse à cette question et a donc posté, par la poste, des colis, un colis avec une poule et un colis avec un œuf au même moment. Et la réponse était très nette, c'est l'œuf qui est arrivé en premier. Il s'en sort par une pirouette. J'ai une autre question pour quelqu'un qui a été très discret depuis le début de l'émission. Roger Mansuy, est-ce que vous pouvez nous expliquer l'incohérence N est dans R, c'est-à-dire pourquoi est-ce que N et R sont infinis, mais N est pourtant dans un autre infini? Comment est-ce qu'un infini peut contenir un autre infini? Alors, le fait qu'un infini en contienne un autre, ça c'est plutôt facile à imaginer, le plus dur c'est qu'il soit différent. En fait. C'est pas facile à imaginer du tout, hein. Il va falloir nous le réexpliquer, Roger. Le fait qu'entre les entiers on puisse mettre beaucoup de choses laisse croire qu'il y a a priori beaucoup plus de réel qu'il y a d'entiers. Ça, c'est une chose qui est plutôt claire. La question, c'est pourquoi est-ce qu'il y en a vraiment plus? C'est-à-dire qu'on ne peut pas les compter exactement de la même façon. Et là, il y a eu une démonstration qui a été faite à la fin du 19e siècle qui a réussi à montrer que si on supposait qu'il y en avait autant, eh ben, on pouvait en construire encore un qui n'était pas dans la liste. Sandrine Trainer qui est rentrée dans la salle. Je ferai une interro tout à l'heure pour savoir si vous avez compris si les infinis sont plus dans les infinis. Bon, parfait. Ouais, Roger Mansuy est brillant. Alors, une question simple, une question facile. Dans l'hypothèse où j'ai une machine à remonter le temps, que se passe-t-il pour moi au moment où je tue mon grand-père? Qui répond à cette question-là? Le paradoxe des grands-pères? Pierre Gerner sur le paradoxe des grands-pères? Moi, ce que je dirais, c'est que si on tue à ce moment son grand-père, on peut savoir si c'était vraiment notre grand-père. C'est une sorte de test d'ADN grandeur nature grâce à la machine à remonter le temps. Encore une question pratique maintenant. Pourquoi, quand on se douche, le rideau se colle-t-il sur notre corps? Qui répond à cette question? Catherine Dufour. Je ne peux pas répondre en direct, mais ça a été le sujet d'un Ig Nobel et vous trouverez toutes les réponses qu'il vous faut sur cette... C'est un problème très délicat de mécanique des fluides. Voilà, et de pression atmosphérique. Non, c'est le Roland Lehoucq. L'eau qui est éjectée par la douche à grande vitesse entraîne l'air en mouvement à l'endroit entre vous et le rideau de douche, ça crée une dépression qui attire un peu la douche et puis ça diverge, ça s'approche de vous, puis ça vous colle dessus et c'est la merde. Allez, une dernière question pour finir. On pourrait faire une sorte de réponse collégiale comme dans cette autre émission d'une radio concurrente. Pourquoi l'espèce humaine n'est-elle pas ovipare à la manière des reptiles? Tania Louis. Parce qu'il se trouve qu'il y a un gène de virus qui s'est intégré dans le génome de nos ancêtres il y a fort longtemps et qui a permis à l'organisme des mères de tolérer l'organisme du fœtus, puisque c'est un génome différent, donc en pratique un corps étranger. Et que ce gène viral produit une protéine immunosuppressive qui limite l'efficacité du système immunitaire maternel contre le fœtus. Et il s'avère que ce gène est aussi à l'origine de la formation du placenta, et qu'il s'exprime chez le fœtus et non chez la mère. Merci beaucoup, merci à tous pour cette 500e. Merci à mes camarades autour de la table, Cécile Lestienne, Caroline Tourne, Tania Louis, Élodie Chabrol, Olivier Lascar, Sylvain Guilbeault, Patrick Beau, Sébastien Carassou. Merci à nos camarades qui sont venus participer activement à cette émission dans le public. Roland Lehoucq, Roger Mansuy, Catherine Dufour, Pierre Kerner, Guillaume Duret, Mathias Casiolis, Robin Jamais, François Angelier, Natacha Triou, Zoé Sfez, évidemment toute l'indispensable équipe de la Métique Scientifique sans laquelle cette émission n'existerait évidemment pas. C'était Vétienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguette Saint-Vulfranc, Céline Lozen, Tobim Denstock, Mathieu Lefrançois, Olivier Bétard à la réalisation et nos deux talentueux ingénieurs du son aujourd'hui, Jean-Frédéric et Alex Dang, qui ont eu bien du mal à nous canaliser avec toute cette agitation autour de ces nombreux micros. Merci surtout à vous tous qui nous accompagnez depuis les débuts, qui êtes de plus en plus nombreux à nous suivre en direct, en podcast, dans votre voiture, dans votre labo, pendant votre douche évidemment, où vous voulez, quand vous voulez. On vous l'a déjà dit, des milliers de merci de rendre cette émission réelle, vivante par votre écoute. Grâce à vous, on repart pour 500 de plus. On vous aime d'amour jusqu'à preuve du contraire.